de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune